Tu n'es pas très nette, ma mignonnette, mais crois-moi, j'ai vu pire. Je vais faire de toi cochonnette, le plus pur des saphirs. Avant tout, bien frotter, savonner, rincer, faire briller. C'est la ma recette instantanée pour te marier dans l'honneur. Les manchous, manchou, en te coiffant avec tant de goût, tu nous combleras d'honneur. L'honneur d'une femme s'apprécie quand la fille se marie. Trouvant un bon parti, elle gagne la partie. Les garçons aiment les filles calmes et dociles, l'esprit agile, fine et subtile, la taille gracile. Tu nous combleras d'honneur. Nous devons servir l'empereur qui nous garde néant. Les hommes en se battant, les femmes en enfantant. Douche finale, douche finale, flèche finale, tu seras fleur d'opale. Tu feras une épouse idérale. Tu nous combleras d'honneur. Tu es exquise. Pas encore. Une pomme pour la sérénité et pour l'équilibre à cogner. Pierre de jade pour parer. Fièrement ta beauté. Avec ce criquet, porte-bonheur, je t'interdis toute erreur. Chers ancêtres, aidez-moi. Je ne dois pas faire un seul faux pas. Si je décevais la famille Fa, mon père perdrait son honneur. Affligée d'une